Chapitre 8e. Richard Hare, la lucarne du vieux deal. La lune inondait de sa lumière brillante la soirée de ce délicieux lundi. L'étoile du soir resplendissait en même temps au firmament. Tous deux éclairaient les pas d'un voyageur solitaire qui s'avançait lentement et avec précaution à l'ombre de la route, la tête baissée, le cou enfoui dans les épaules, comme quelqu'un qui se soucie peu d'être reconnu. À en juger par sa blouse et ses gros souliers, on le prit pour un homme de la classe ouvrière. Il portait d'épais favoris noirs qui lui masquaient le contour du visage, et son chapeau à large bord dérobait entièrement son front. Bientôt il approcha de la demeure du juge Hare, et enjamba lestement la clôture, après avoir eu la précaution de jeter tout autour de lui un regard furtif et inquiet. Puis il traversa un champ, escalada un mur, et sauta dans le jardin de M. Hare, où il alla se blottir derrière des touffes d'arbres. Or, inspiré par son mauvais génie ou par son penchant à contrarier, le juge passait cette soirée chez lui. C'est à peine si pareille chose lui arrivait une fois en 6 mois. Les événements de la vie réelle obéissent à la loi des contraires. C'est absolument comme dans ce jeu des enfants où l'on tient les 4 coins d'un mouchoir. Il faut faire l'opposé de ce qui nous est dit. Lorsqu'on nous crie « tenez ferme », il faut lâcher. Si l'on nous demande de lâcher, il faut tenir ferme, image fidèle du jeu de notre existence. Barbara, en proie à l'inquiétude, épuisée, torturée par l'anxiété la plus cruelle, eût donné 20 années de sa vie pour que son père ne fût pas là. Mais non, tout allait selon cette loi terrible et fatale des contraires. Le juge, sa perruque de travers et son cigare à la bouche, s'était posté juste à l'endroit où il n'aurait pas dû être, tout près de la fenêtre, en face du jardin. « Vous ne sortez pas ce soir ?» se hasarda lui demander sa femme. « Non. »« Ma mère, faut-il fermer les volets ?» balbutia Barbara. « Fermer les volets ?» répéta le juge avec colère. « Pourquoi m'empêcher de voir ce beau clair de lune ? N'est-il pas vrai ? Allons donc, mademoiselle, si la lune vous gêne, réfugiez-vous à l'autre bout de la chambre et contemplez à votre aise le globe de la lampe. » Le cœur de la pauvre fille murmura une prière fervente. Demanda à Dieu de veiller sur son malheureux frère. Puis se résignant à son sort, elle attendit avec patience, les yeux fixés sur le bosquet. Bientôt elle vit quelque chose s'agiter au loin, se dégager au milieu des arbres et y entrer subitement. Ses joues pâlirent, ses lèvres tremblèrent. « On étouffe ici » s'écria-t-elle en manière d'excuse. « Je vais faire un tour au jardin. » Se disant, elle jeta sur ses épaules un châle de couleur brune et s'esquiva au plus vite. En approchant du bosquet, elle n'osait ni s'arrêter ni pénétrer sous son ombrage. Déjà, elle apercevait le visage de Richard. Oh, combien il était changé, et combien elle souffrait de le voir si pâle, si maigre et si soucieux. « Richard, mon pauvre frère, » soupira-t-elle d'une voix émue et plaintive, « je n'ose demeurer ici un instant. Mon père est à la maison. Et ma mère, ne pourrais-je donc la voir ? Cela se peut-il, voyons, il faut au moins attendre jusqu'à demain. Impossible. J'ai peur et je crois sans cesse avoir quelqu'un à mes trousses. Du courage, mon frère, et surtout de la patience. Thorne, l'auteur de tout ce mal. Oh, malédiction sur lui ! Murmura Richard avec rage. Eh bien, continua Barbara, nous sommes sur ses traces, nous le croyons du moins. Il y a en ce moment un individu de ce nom à Westline. Il faut de toute nécessité que tu nous dises si c'est lui. Que je le vois, que je le vois ! Répéta Richard, tout en haletant et en proie à la plus vive émotion. « Oh oui, qu'on me le fasse voir !» Barbara allait et venait. « Mon père me surveille, peut-être, » fit-elle. « Ne t'étonne donc pas si tu me vois marcher de la sorte. Si je reste en place, il devinerait que je parle à quelqu'un. » « Ce Thorne, » continua-t-elle en se promenant de long en large, « a l'air très distingué. Sa mise est parfaite. Il semble avoir un faible pour les diamants. « C'est bien lui, c'est mon homme !» interrompit Richard. Car là, il s'arrangera de manière à ce que tu puisses t'en assurer par toi-même, ajouta-t-elle, en s'arrêtant tout à coup et en se baissant pour attacher son soulier. Es-tu bien sûr que tu le reconnaîtras ? Moi, sûr de le reconnaître, sois sans crainte. Bah, ses traits sont gravés là, en caractère de sang, fit-il en se frappant le front. Mais où dois-je le rencontrer, Barbara ? Je l'ignore. Sois ici demain, à la nuit tombante, et peut-être alors pourrai-je te l'apprendre. La fenêtre du salon s'ouvrit brusquement et le juge fit entendre sa voix de stentor. « Allons, Barbara ! Il est temps de rentrer. Vous allez vous enrhumer. »« Richard, » murmura la pauvre fille, « viens ici demain soir, sans faute. Adieu. » Le lendemain, Barbara, bravant les commentaires, se rendit à l'étude de Carlyle. Malheureusement, Carlyle n'y était pas, et les employés ignoraient l'heure à laquelle il devait arriver. « Cher monsieur Dill, insista la pauvre enfant, il faut absolument que je le voie. Je crois, mademoiselle, qu'il ne viendra que fort tard cet après-midi. Est-ce quelque chose que je puisse lui dire ? Oh non, soupira Barbara. Lady Isabelle et sa fille vinrent à passer en ce moment, et toutes deux reconnurent mademoiselle Hare. Que fait-elle là ? Pourquoi est-elle encore à son étude ? Pensait Isabelle, tout en rendant la jeune fille un léger salut plein de réserve et de hauteur. Barbara ne parvint à voir Carlyle et à lui communiquer la nouvelle de l'arrivée de son frère que vers 4 heures de l'après-midi. Carlyle avait en horreur la fourberie et l'intrigue. Toutefois, dans la conjoncture actuelle, il crut qu'il était de son devoir de mettre Richard Hare à même de voir le capitaine Thorne. Il eut bientôt disposé son plan. Ce soir-là, précisément, il devait dîner chez Madame Jefferson, mais il se décida à renoncer à ce dîner. Il recommanda à Barbara d'envoyer Richard à son étude dès qu'elle le verrait. Puis il écrivit à la hâte quelques mots au capitaine Thorne, l'invitant à se rendre vers 8 heures à son bureau, lui indiquant qu'il avait une communication à lui faire. Il était 5 heures avant que Carlyle pût partir pour East Lynne. D'autres occupations urgentes l'avaient retenu à son étude. Il ne serait même pas parti à 7 heures sans la nécessité de prévenir sa femme de l'impossibilité où il était de l'accompagner chez Madame Jefferson. « Vous avez donc oublié que nous sommes invités pour 6 heures ?» fit Isabelle en voyant entrer Carlyle. « Des affaires de la plus haute importance m'ont empêché de venir plus tôt, » répondit-il, « et je regrette d'avoir à vous annoncer que je ne puis aller avec vous à ce dîner. « Pourquoi cela ? » demanda-t-elle, le cœur irrité, palpitant sous l'impression d'une foule de pensées étranges. « J'ai ce soir un rendez-vous à l'étude. Il s'agit d'une circonstance fort grave. » Était-ce là un prétexte pour voir Barbara ? Cette idée s'empara de son esprit et s'y implanta profondément. Sa physionomie exprimait 1000 sentiments de dépit et de colère, car là elle en fut frappée. « Isabelle, continua-t-il, vous auriez tort d'être blessée. Ce n'est pas ma faute, je vous le jure. C'est une affaire particulière et de la dernière importance et qu'il m'est impossible de confier à Dill. Je suis désolé de ce contretemps. Mais je ne vous ai jamais vu retourner ainsi le soir à votre étude, fit-elle, tandis que ses lèvres frémissaient. La raison en est simple. Dill se charge ordinairement des affaires qui surviennent pendant la soirée. Mais cette fois, ma présence est indispensable. Mais, continua Isabelle après un moment de silence, rien ne vous empêche au moins de venir nous rejoindre plus tard. Cela me sera impossible. Elle s'enveloppa de son châle et descendit rapidement l'escalier. Carlyle la suivit et l'aida à monter et à s'asseoir dans la voiture. Il lui dit adieu. Mais elle, sans même lui répondre, tenait ce regard fixé devant elle comme si elle était pétrifiée. « À quelle heure viendra-t-on chercher Milady ?» demanda le valet de pied quand Isabelle fut arrivée chez Madame Jefferson. « À 9h30. » Un peu avant 8 heures, Richard Hare, vêtu de sa longue blouse et coiffé de son chapeau au bord rabattu, sonna discrètement à la porte de l'étude. Car là, il vint ouvrir lui-même. Il était seul à la maison. « Entrez, Richard. » dit-il en lui serrant les mains. « J'espère que vous n'avez rencontré personne. »« Je n'en sais rien, monsieur. Je suis venu la tête baissée et sans oser lever les yeux. »« Et comment allez-vous ? » ?»« Comme un malheureux poursuivi par le destin, écrasé sous le poids de la fatalité. » »« Débarrassez-vous donc de cette affreuse coiffure. Il n'y a personne qui puisse vous reconnaître, mon ami. » Richard ôta lentement et avec précaution son énorme chapeau, et sa figure, qui ressemblait à s'y méprendre à celle de sa mère, rayonna alors de toute sa beauté maladive. À peine se fut-il ainsi découvert qu'il se tourna avec frayeur vers la porte. « Si quelqu'un allait entrer, monsieur, » fit-il en tremblant de la tête aux pieds, « rassurez-vous, nous sommes seuls, et personne ne peut pénétrer ici sans que je le sache à l'avance. » « Ainsi vous attendez donc ce misérable assassin ?»« Oui, j'ai lieu d'espérer que nous le tenons enfin. Du moins, l'individu qui va venir ici tout à l'heure répond assez au signalement que vous m'avez donné du meurtrier d'Ali John. » « Mais il est donc fou. Il faut qu'il le soit pour oser s'aventurer ici. Il espère sans doute qu'on ne le reconnaîtra pas. Mais chut, soyons prudents. Je vais vous mener dans le cabinet de M. Dill. Il y a là une petite lucarne, vous vous le rappelez peut-être. Eh bien, de cette lucarne, vous pourrez examiner à votre aise et sans être vu l'individu qui va arriver dans un moment et qui porte le nom de Thorne. malgré le laps de temps qui s'est écoulé, vous pensez pouvoir le reconnaître, n'est-ce pas? Fût-il déguisé comme je le suis? Fût-il vieilli de 50 ans? Je me fais fort de le reconnaître. Croyez-vous donc qu'on oublie les traits d'un homme pareil? Quel motif vous ramène à Westline, Richard? Le désir de revoir ces lieux. J'en étais obsédé. Puis, vous l'avouerai-je? Une voix secrète m'entraînait, malgré moi, à venir. Mais le temps s'écoule. Êtes-vous sûr que l'individu va paraître? Oui, du moins je l'espère. Mais tenez, le voici sans aucun doute, ajouta Carlyle en entendant un coup de sonnette. Suivez-moi, Richard, et hâtez-vous. Richard ne se le fit pas dire deux fois, et il enfonça si bien son chapeau sur sa tête que son nez en fut éclipsé. Carlyle l'introduisit dans le sanctuaire du vieux Dill, l'enferma à double tour et mit la clé dans sa poche. Était-ce une précaution pour empêcher le capitaine de pénétrer dans cette pièce, ou Richard d'en sortir? L'avoué seul le savait. Carlyle alla ensuite ouvrir la porte d'entrée, et il invita le capitaine à le suivre dans la salle destinée aux employés. Cette salle était éclairée au moyen de plusieurs becs de gaz. Carlyle, tout en causant, fit en sorte que le capitaine Thorne resta debout quelques minutes. Puis il eut soin de lui offrir un siège qui se trouvait juste vis-à-vis de la petite lucarne. « J'ai reçu ce matin de Londres une lettre touchant votre affaire, » dit-il, « et je regrette d'avoir à vous annoncer qu'elle renferme des nouvelles peu satisfaisantes. » »« On ne peut pas cependant me poursuivre devant les tribunaux, » fit observer le capitaine. « Non, du moins si ce que vous m'avez dit est exact. » »« Et a-t-on le droit de me faire arrêter ?»« Oui, certes, et cela serait déjà fait si je n'étais intervenu en votre faveur. » »« Et puis-je compter encore sur votre précieux concours ?» Vous devez vous rappeler ce que je vous ai dit tout d'abord, à savoir que je ne voulais prendre aucun engagement. Si je puis continuer à vous prêter mon aide, je vous le ferai savoir dès demain. Dans le cas contraire, vous trouverez sans peine un avoué tout aussi capable de vous servir que moi. Mais pourquoi refusez-vous? Quels sont vos motifs? Je ne puis pas toujours donner la raison de ma conduite, je vous le répète, demain vous aurez de mes nouvelles. Ce disant, l'avoué se leva et reconduisit Thorne jusqu'à la porte d'entrée, qu'il referma avec soin. Puis il revint sur ses pas et alla ouvrir à Richard. « Eh bien, Richard, » lui dit-il avec empressement, « est-ce le même homme ?»« Non, il ne lui ressemble en aucune manière. » Carlyle, qui savait au besoin maîtriser ses émotions et cacher aux yeux du monde ce qu'il éprouvait intérieurement, ne put, en cette circonstance, s'empêcher de donner un libre cours à sa joie. Il était heureux, vraiment heureux. Il se sentait comme soulagé d'un poids énorme, car ce Thorne, sur lequel, pendant quelque temps, avaient plané ses soupçons, il l'aimait, il éprouvait pour lui une vive sympathie. Il avait peine à croire qu'un homme d'une nature aussi franche, aussi brusque et droite, eût pu se rendre coupable d'un meurtre. C'est de tout son cœur qu'il voulait maintenant se consacrer à sa cause et l'aider à sortir d'embarras. « Il ne se ressemble nullement, » continua Richard. Il diffère de taille et de physionomie autant que la lumière diffère des ténèbres. L'autre, le véritable Thorne, malgré les traits réguliers et remarquablement beaux de son visage, avait parfois l'expression d'un démon. De plus, l'assassin d'Ali John avait ici quelque chose de bizarre. Où cela ? Demanda Carlyle en remarquant que Richard ne spécifiait aucun point particulier, mais qu'il promenait ses doigts tout autour de sa figure. Je ne saurais déterminer au juste l'endroit. J'ignore si c'était dans les sourcils ou dans les yeux. Mais il y avait très certainement quelque chose d'étrange dans sa physionomie. Ah, monsieur Carlyle, lorsque Barbara m'a appris que Thorne était ici, je ne l'ai pas cru. C'eût été croire à la fin de mes tourments, au bonheur, et je n'y crois plus, depuis bien longtemps déjà. Il ne faut jamais se laisser décourager, ni douter de la Providence, fit l'avoué. Allons, Richard, votre mère vous attend, le cœur navré d'inquiétude, venez la voir. Vous faut-il de l'argent ? Richard baissait la tête comme s'il n'osait répondre. « Voyons, parlez nettement, avez-vous besoin d'argent ?»« Oui, » répliqua-t-il en balbutiant. « J'étais malade, longtemps malade. Je n'ai pu travailler et je me suis quelque peu endetté. »« Tenez, prenez ceci, » ajouta Carlyle et lui mit dans les mains un billet de 500 francs. « Et maintenant, » continua-t-il, « voulez-vous que je vous accompagne ?»« Non, j'irai seul, je préfère. Vous êtes trop connu dans le pays et si vous m'accompagniez, quelqu'un pourrait venir vous accoster en route pour causer avec vous. » Carlyle, néanmoins, crut devoir le conduire jusqu'à la maison du juge Hare. Ils y arrivèrent bientôt tous deux, sans encombre. Il était alors 9 heures passées. « Barbara est là, qui guette votre arrivée. murmura Carlyle. « Tenez, la voilà qui entr'ouvre la porte. Allons, entrez vite et au revoir. » Tandis que Richard se rendait à pas de loup dans la chambre où sa pauvre mère l'attendait avec une impatience fébrile, Barbara se tenait en dehors de la maison sur le haut du perron et causait tout bas avec Carlyle. « Eh bien » demanda-t-elle d'une voix chevrotante. « Est-ce lui ?»« Non, Richard m'assure même qu'il ne lui ressemble aucunement. » « Oh !» soupira Barbara avec surprise et douleur. « Ainsi donc, mon malheureux frère a perdu inutilement la meilleure partie de sa soirée ?»« Non pas, Barbara, car le problème est maintenant résolu. » »« Comment cela résolu ? Mais il est au contraire plus obscur que jamais. » Il est résolu, du moins, quant à ce qui touche le capitaine Thorne, car tant que nos soupçons se concentraient sur lui, nous ne songeons pas à chercher ailleurs. Quand ils pénétrèrent tous deux dans la chambre de Madame Hare, la mère et le fils se tenaient étroitement embrassés et versaient d'abondantes larmes. « Que vous êtes bon !» balbutia la pauvre femme en s'emparant vivement de la main de Carlyle et en la serrant de toutes les forces de sa reconnaissance. « Qu'aurions-nous fait sans vous ? Je vais encore vous demander une faveur. » Une grâce. Laquelle ? Monsieur Hare ne se porte pas bien, et j'ai une peur terrible qu'il ne rentre de bonne heure. Oh, s'il allait revenir ici à l'improviste et se trouver en présence de son fils ! Vous en comprenez les conséquences, Archibald. Je frissonne à cette pensée. Barbara et moi, nous avons discuté cette question toute la soirée, et voici ce que nous avons arrêté. Vous vous tiendrez dans le jardin près du perron. Si vous apercevez mon mari, vous vous arrangerez de manière à l'empêcher d'entrer. Barbara sera avec vous et viendra vite vous avertir. Richard se blottira alors dans le cabinet du salon et il y restera jusqu'à ce que son père se soit retiré dans sa chambre. Et alors, il pourra s'évader. Voulez-vous vous prêter à ce plan, Archibald ? Volontiers. Merci, Archibald, merci de toute la force de mon cœur. Ah, si vous saviez combien je suis heureuse de le revoir, d'entendre encore le son de sa voix. Carlyle et Barbara sortirent et commencèrent leur promenade nocturne devant la maison, prêtant l'oreille au moindre bruit, et faisant le guet au poste où on les avait placés. Le juge n'arrivait pas, et Carlyle finit par offrir son bras à Barbara. Il lui semblait plus commode et plus agréable, peut-être, de monter ainsi la garde. Pendant ce temps, Lady Isabelle était chez Madame Jefferson. À 9h30, la voiture qui devait la ramener s'arrêta à la porte. Isabelle s'en alla sur le champ, alléguant un mal de tête. Pour retourner à East Lynne, elle n'avait tout au plus qu'une demi-lieue à faire. À moitié chemin, un homme se précipita au-devant des chevaux qui allaient au galop et cria au cocher d'arrêter. Lady Isabelle, quelque peu effrayée, mit la tête à la portière et elle aperçut devant elle le capitaine Levison, singulièrement coiffé d'une sorte de casquette en fourrure garnie d'oreillettes qui lui enveloppait les joues et le rendait difficile à reconnaître. « Comme vous rentrez de bonne heure, » fit-il sans préambule, « il me semblait que ce devait être votre voiture. J'en étais tout surpris. »« Cet homme m'a bien l'air d'un intrigant fieffé, » pensa intérieurement le cocher sur son siège. Il savait l'heure à laquelle rentrerait Milady. Lui-même me l'avait demandé. « Je faisais une petite promenade au clair de lune, » continua Levison. « Mais je me sens fatigué. Et si cela ne vous gêne pas trop, je serai heureux de retourner avec vous. » Elle ne pouvait guère refuser. Le valet de pied ouvrit la portière, et Francis Levison s'installa auprès de Lady Isabelle. « Prenez par la grande route » s'écria-t-il en s'adressant au cocher. Or, cette route les faisait passer devant la propriété du juge Hare. « C'est à peine si je vous ai reconnu tout d'abord, » commença Isabelle en se retirant dans le coin de la voiture. « Quelle singulière coiffure ! On dirait un déguisement. »« Un déguisement ? » répéta-t-il en ôtant sa casquette et en la faisant sauter dans ses mains. « Oh non, je n'ai nul besoin de me déguiser. » « Je n'ai pas de créancier à East Lynne. » Il montait effrontément, car cette coiffure, il ne l'avait revêtue que dans le seul but de masquer ses traits. « Monsieur Carlyle est-il de retour ? » demanda-t-elle. « Non, j'ai lieu de croire qu'il est en bonne fortune. » À ces paroles, dont il ne lui était pas possible de méconnaître le sens, Isabelle sentit monter la colère à son front, et son cœur se serra douloureusement. Elle s'efforça de s'enfermer dans la dignité du silence, mais elle n'y réussit qu'un instant, et spontanément, malgré elle, elle laissa échapper cette interrogation dictée par une jalousie effrénée. « Que voulez-vous dire ? » « Écoutez-moi, » poursuivit Levison de sa voix douce et insinuante. « Je passais tout à l'heure devant l'habitation des Hare. J'ai vu deux personnes, un homme et une jeune fille, se tenant par la main, avec amour, et n'ayant pour témoin de leur confidence que la lune et moi-même. Cet homme, c'était votre seigneur et maître, la jeune fille, Mademoiselle Barbara Hare. Isabelle sentit courir dans ses veines un frisson de haine et d'horreur. Les soupçons qu'il avait assiégés toute cette soirée se trouvaient donc confirmés. Dans son aveugle jalousie, elle en vint à considérer son époux comme un être faux, hypocrite et menteur. Elle en vint à se dire qu'il n'avait refusé de l'accompagner ce soir même que pour jouir de la société de sa rivale, de cette Barbara. Seule, elle lui versait des larmes de colère et de désespoir. Émue, le sein palpitant, elle se blottit dans le fond de la voiture, s'efforçant de rire pour mieux cacher sa douleur, son angoisse mortelle. Puis, au moment où la calèche passait devant la maison des Hare, elle se releva subitement et se pencha en avant, promenant de tous côtés sur la route et dans le jardin, ses regards empreints de toute l'ardeur que peut faire naître la jalousie. Les rayons de la lune inondaient, hélas, en ce moment, de leur plus brillante clarté, les allées du jardin. Et Isabelle put reconnaître son mari et Barbara Hare, se promenant en palant, serrés l'un contre l'autre. Elle poussa un cri, un sanglot involontaire, et s'affaissa sous le poids de la douleur. Et lui, Levison, homme sans cœur et sans vergogne, eut alors l'audace de passer son bras autour de la taille de la malheureuse femme. S'enhardissant de plus en plus, il l'attira à lui, la pressa contre sa poitrine et lui murmura ces mots. « Il ne vous aime plus, mais moi je vous adore. » La femme jalouse est folle. La femme outragée est deux fois folle. L'infortunée Lady Isabelle avait perdu la raison. Elle croyait, oui, elle croyait de toute son âme que son mari la trompait, la sacrifiait à une autre, et de plus en plus le démon de la haine envahissait son cœur. Vengez-vous de ce brutal sans foi, sans conscience et sans âme, murmurait encore le Lovelace effronté. Renoncez à cette vie de misère, de honte et d'abrutissement. Jamais il ne fut digne de vous. Soyez heureux cependant en sentant mon cœur qui bat auprès du vôtre. Elle ne put contenir davantage son ressentiment, et le laissa s'évaporer en larmes et en sanglots. Hélas, hélas, Francis Levison ne réussit que trop à la calmer, à la consoler par les sophismes diaboliques qu'il puisait dans son cœur faux et corrompu.